franceinter.fr. Aujourd'hui, au moment où l'on apprend que des barils d'explosifs au chlore auraient été largués sur la ville syrienne d'Alep ces derniers jours, Affaire Sensible revient sur l'histoire d'Alabja, cette ville de la région du Kurdistan d'Irak qui, durant 3 jours, en mars 1988, a été la cible des bombardements de Saddam Hussein à l'arme chimique. Ce sont les tranchées de la Première Guerre mondiale, matrice de la violence du XXe siècle, qui ont servi de laboratoire à la guerre chimique. Le mal s'appelle alors gaz moutarde, gaz irritant ou gaz chloré toxique. En 1925, à Genève, les anciennes forces belligérantes signent un protocole pour prohiber l'emploi de ces horreurs et aussi des armes bactériologiques, mais sans interdire leur production, leur développement, ni leur stockage, une absurdité criminelle. Il faudra attendre l'année 1993 pour que l'interdiction complète des armes chimiques et la destruction des arsenaux existants soient actées. Entre-temps, sur les terres irakiennes, dirigées par le dictateur sanguinaire Saddam Hussein pendant les années 80, le monstre chimique s'abat pendant plusieurs années, notamment sur les territoires où vivent les Kurdes. Le massacre le plus important se déroule donc à Alabja, où près de 5000 personnes succombent aux effets des gaz. Jusqu'à ce jour, c'est le cas le plus grave, le plus abject de l'utilisation par un État de l'arme chimique contre sa population. Raconter l'histoire d'Alabja, c'est revenir au temps des guerres irakiennes extérieures et intérieures de Saddam Hussein et dans ses ruines. C'est reprendre la route des réfugiés kurdes, entendre leur histoire, puis revenir avec eux dans leur village détruit. C'est écouter les témoignages de ceux qui ont vécu les attaques et les massacres. Et c'est constater que 5, 10, 20 ans après, la mort chimique ronge toujours les corps et les terres de cette ville. Alors, que s'est-il passé à Alabja et sur les territoires kurdes d'Irak sous le règne de Saddam Hussein? Qu'a fait la communauté internationale? De quoi Alabja est-elle le symbole? Pour parler de ce drame, de l'histoire des Kurdes d'hier et d'aujourd'hui, nous recevons Frédéric Tissot, médecin et humanitaire. Il est devenu un compagnon des Kurdes dès le début des années 80. En 1989, au lendemain de la guerre Irak-Iran, il est en charge de l'accueil de 335 Kurdes en France. Fin 2007, il devient le premier consul de France au Kurdistan d'Irak, fonction qu'il quitte en septembre 2012. Ses vies multiples, il les raconte dans son livre « L'homme debout », édité chez Stock. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France, attaché de production Emmanuel Fournier, programmation musicale Muriel Pérez, coordination Christophe Barrère, réalisation et illustration sonore Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Hélène Langlois. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Enlevez les montagnes et un jour les Kurdes ne seront plus, dit un vieux proverbe. Éparpillés sur 4 pays, la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran, les Kurdes forment une nation sans état, mais pas sans mémoire. Peuple de 35 millions d'âmes, il porte en héritage une histoire, une langue, une culture et plus d'un siècle de révolte et de combat. Le destin des Kurdes est à l'image des paysages montagneux qu'ils habitent, tranchants, vertigineux, sinueux, dont l'horizon est une succession de sommets où derrière chaque montagne se cache souvent une route vers l'exode. Depuis plus d'un siècle, les Kurdes sont les témoins d'un Moyen-Orient en constante révolution. Oubliés du redécoupage de l'Empire ottoman au lendemain de la Première Guerre mondiale, ils ne sont qu'une minorité face à laquelle les pouvoirs centraux de chaque pays oscillent entre intégration, association ou répression. Divisé, l'indépendantisme kurde est multiple. Il s'inscrit dans des réalités territoriales et étatiques différentes qui évoluent selon les régimes et les époques. Dans chaque État, chaque mouvement indépendantiste kurde trace ainsi sa propre route. Et tous n'ont en commun finalement que la répression qu'ils subissent en tant que minorité. En Irak, en 1974, après des années de guérilla, Mollah Mustafa Barzani, qui fut pendant 30 ans le chef du mouvement national kurde en Irak, dépose les armes après l'abandon de la protection iranienne. 5 ans plus tard, les Kurdes d'Irak perdent leur leader. Le 2 mars 1979, en effet, Barzani meurt en exil à Londres. Cette même année, c'est tout le Moyen-Orient qui bascule. Les troupes soviétiques pénètrent en Afghanistan, Saddam Hussein accède officiellement au poste de président en Irak, et en Iran, la révolution permet le retour de Khomeini au pays. Iran, Irak, 2 ambitions pour une même région, 2 horizons pour un même chaos. Le 22 septembre 1980, Saddam Hussein agresse l'Iran en envahissant le Kurdistan iranien situé à la frontière sud des deux pays. Cette fois donc, c'est bien la guerre entre l'Irak et l'Iran. Depuis 6 mois, quotidiennement, les radios des deux pays s'insultaient au-delà des frontières. L'ayatollah Khomeini promettait un déluge de fer et de feu au président irakien Saddam Hussein, lequel répondait que les infidèles perses seraient châtiés sur l'autel d'Allah. Insensiblement, les attaques verbales se sont transformées en incidents de frontière. Chaque jour, depuis 3 mois, les états-majors des deux pays annonçaient des rafales de tirs automatiques ou des pilonnages de mortiers. Dans un premier temps, les accrochages se sont limités à la région nord-est de l'Iran. Puis, brusquement, ils se sont déplacés vers le sud, vers la province pétrolière du Khuzistan. L'Iran est isolé du reste du monde. Toutes les communications téléx ou téléphone avec l'Iran sont coupées. En fin de matinée, une escadrille de MiG irakiens a bombardé les 6 principaux aéroports d'Iran, y compris celui de Téhéran. Aussitôt après, l'état-major irakien ordonnait à ses troupes d'engager partout des opérations de harcèlement contre l'Iran. L'offensive est rapide, mais l'Iran tient tête, puis contre-attaque. Entre ces deux pays, une guerre de 8 ans commence. Sur mer, des pétroliers s'enfoncent, sur terre, des missiles s'abattent au cœur des villes. Sur la ligne de front entre l'Iran et l'Irak, les montagnes kurdes et leurs villages sont pris en étau dans le calendrier des offensives et des contre-offensives des deux camps. Durant ces années-là, auprès des Kurdes, il n'y a que des médecins qui, le temps d'une mission humanitaire, sont les témoins de leurs blessures et deviennent les porte-paroles de leur malheur. De cette guerre, pendant longtemps, on ne vit que le premier plan, les villes balafrées, les combats terrestres entre les deux armées. Et pourtant, à l'arrière de ces images et de ces comptes rendus de bataille, d'autres tragédies prennent forme. En mars 1987, Ali Hassan al-Majid, que l'on connaîtra plus tard sous le nom d'alchimique cousin de Saddam Hussein, est investi de plein pouvoir sur tous les organismes d'État en Irak du Nord où se trouvent précisément les Kurdes. Sa mission est simple, détruire l'ennemi intérieur. Pendant l'année 87, les soldats irakiens avancent sur les terres du Kurdistan, encore sous domination de Bagdad. La population est déplacée, remplacée de force par des populations arabes. Des villages entiers sont détruits. L'armée crée des périmètres où il est interdit de pénétrer sous peine de mourir. Un an plus tard, dès février 1988, les hommes d'Ali Hassan al-Majid lancent l'offensive contre les zones sous domination des combattants kurdes et iraniens. Jour après jour, en suivant un plan précis, des soldats irakiens encerclent les poches des combattants et des civils, puis reçoivent l'ordre d'anéantir toute résistance par n'importe quel moyen. Et à la mi-mars 1988, l'ombre du monstre chimique dont l'utilisation par l'Irak a déjà été condamnée apparaît plein cadre sur les télévisions du monde entier. Image terrible diffusée hier soir, celle de la guerre chimique menée par l'Irak et dont les conséquences ont été filmées par la télévision iranienne dans un village kurde où les bombardements chimiques irakiens auraient fait quelque 5000 morts selon Téhéran. L'Iran a demandé officiellement à l'ONU d'envoyer sur place une mission d'enquête pour constater l'ampleur du désastre. Sur ces images, des centaines de corps d'enfants, d'hommes et de femmes. Que s'est-il passé à Al-Abja ? Depuis plusieurs semaines déjà, les combats s'approchaient de la ville. Avant les bombes, ce sont les réfugiés qui ont pénétré dans les rues. Au début du mois de mars 88, ils sont 60 à 70 000 à vivre ici, à la frontière de l'Irak et de l'Iran, entre plaines et montagnes, et à quelques kilomètres du lac de Darbaninghan, dont le barrage contrôle une part importante des approvisionnements en eau de la capitale irakienne. Carrefour des routes de voyageurs, cette ville commerçante est devenue une cible sur les différentes cartes des états-majors. Le 13 mars, les Iraniens lancent sur la ville une offensive conjointe avec les Peshmerga kurdes. Le lendemain, les Irakiens leur répondent en bombardant la zone à l'arme chimique pendant 3 jours. Quelques jours plus tard, Al-Abja est déserte, figée. Le sol est jonché de gravats et de centaines de corps cloués au sol par une mort invisible. Les Iraniens, de retour sur les lieux, accompagnés par quelques journalistes, ne rencontrent que quelques familles qui ont pu trouver refuge dans les caves ou les abris, loin des vapeurs chimiques. Les autres sont partis dès les premiers bombardements. Certains ont pu rejoindre les montagnes, d'autres ont été rattrapés par les bombes. Les images tournées par les journalistes braquent en un instant les yeux du monde entier vers le Kurdistan et vers l'Irak. le 8 mai, sur le plateau du journal d'antenne de Bernard Benedetti, docteur chez Médecins du Monde, de retour de la frontière turque où il a rencontré des réfugiés kurdes, témoigne. J'ai demandé, moi, depuis la Turquie, très officiellement au secrétaire général de l'ONU, une commission d'enquête en Irak, parce que les témoignages que nous avons sont formels, aussi bien de la part des Kurdes réfugiés que de la part des militaires qui font un petit peu des témoignages sous le manteau des militaires turcs, en nous disant que les massacres sont tout à fait intenses dans la région du Turkestan irakien. Justement, puisque vous en rentrez, est-ce que vous avez vu sur le terrain des traces éventuelles d'utilisation d'armes chimiques ? Non, je n'ai pas obtenu de preuves objectives pour le médecin de traces de lésions de gaz chimique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu. Malgré les accusations des forces iraniennes et des représentants kurdes irakiens, la communauté internationale réagit à peine. Le 9 mai, le Conseil de sécurité de l'ONU se contente de rappeler à l'Irak, mais aussi à l'Iran, de s'abstenir d'utiliser les armes chimiques. À Paris, même son cloche, le gouvernement français les condamne, où que ce soit et par qui que ce soit. Mais c'est comme ça. L'indignation en matière diplomatique est souvent éphémère et variable, selon la géographie des horreurs. Entre-temps, sur le front, l'offensive irakienne collectionne les victoires. Le 8 août 1988, face au revers militaire, l'effondrement économique et la crainte des bombardements chimiques, l'Iran accepte la mise en place d'un cessez-le-feu. Le 20, les combats cessent. La guerre est terminée. Il ne reste plus que les charniers, les disparus et des cohortes de réfugiés sur la route de l'exode. Parmi eux, des Kurdes d'Alabja qui, devant les caméras, racontent. C'est à cause des armes chimiques qu'il est parti. Est-ce que lui, il a vu des bombes chimiques ? Kimya silah kullanıldığını görmüş mü ? Böyle bu madde çok. Diyor biz görmüşüz. Evet gördüm. Oui, il a vu. Des morts, des blessés. Il dit que tout le monde est mort à cause des armes chimiques. Ils étaient tous par terre. Il y avait des milliers qui sont morts à cause des armes chimiques. Dans leur voix, la guerre ressurgit. À Alabja, dès le 15 mars 1988, date de l'arrivée des forces iraniennes dans la ville, beaucoup d'habitants inquiets des représailles irakiennes s'enfuient. Le 16 mars, au petit matin, des premiers bombardiers irakiens pilonnent la ville sans relâche. À 14h, de nouveaux avions apparaissent. Prostrés dans des abris ou dans des caves, les assiégés n'entendent alors aucune explosion, non, aucun bruit. Mais l'air se charge d'une odeur étrange. Alors on colmate les ouvertures, on ferme les portes et les fenêtres. Les yeux rougissent, la peau brûle, certains toussent, puis sont pris de démangeaisons. Éloignés de la ville et des gaz, d'autres voient des gens tomber. Après quelques heures, certains sortent des abris. Dans les rues de cette ville devenue silencieuse, ils découvrent alors des centaines de corps qui semblent comme pétrifiés. Les derniers survivants de la ville prennent la fuite sans avoir le temps d'enterrer leurs proches. À 20h, les avions réapparaissent et larguent de nouveau des substances chimiques. Ceux qui n'ont pu rejoindre des abris ou des villages proches sont rattrapés par les gaz. Pendant 3 jours, Alabja subit ce martyre. La ville n'est plus qu'un cimetière plongé dans le silence, ni chant d'oiseaux, ni voix, ni cris, rien. Sur la route autour de la ville, on découvre des gens figés, tétanisés, la main encore sur le volant, la bouche et les yeux grands ouverts dans les remorques de camions, par exemple. Les survivants sont désormais dans les montagnes, partis sur la route de l'exode vers l'Iran ou vers la Turquie. Et c'est dans l'un de ces camps de réfugiés qu'en mai 1989, Daniel Mitterrand propose, via son association France Liberté, l'accueil de familles kurdes en France. En août, elles sont 335 à débarquer dans une caserne de Bourlastique, dans le Puy-de-Dôme. Après la marche forcée, les camps de réfugiés, c'est dans notre pays que ces malheureux damnés de la terre espèrent retrouver le goût de la vie, peut-être, la fin de l'exode, sûrement. Et c'est de ce village d'Auvergne qu'ils assistent au retour de la guerre en Irak. Car en août 1990, Saddam Hussein envahit le Koweït. Face à cette nouvelle agression irakienne contre l'un de ses voisins, la communauté internationale décide d'intervenir. Le 17 janvier 1991, une opération militaire est lancée contre l'Irak de Saddam Hussein. La première guerre du Golfe commence. Dans le même temps, les populations kurdes au nord et les chiites au sud se soulèvent. Saddam Hussein réagit en bombardant chaque zone. face à la peur chimique, près d'un 1,5 million de civils quittent leur village et leur vie. Et c'est la fuite, de nouveau. Et encore une fois, on assiste à l'exode de ce peuple seul dans les montagnes d'Anatolie, marchant dans la neige et le froid. En une semaine, près de 450 000 Kurdes se massent à la frontière turque que les autorités d'Ankara refusent d'ouvrir. Pour éviter de nouveaux drames, la communauté internationale impose pour la première fois une zone d'exclusion aérienne et permet l'arrivée sur place de l'aide humanitaire. Les soldats irakiens, eux, rentrent à Bagdad. Au printemps 1991, à Al-Abja, pour les Kurdes, c'est le temps du retour. Parmi eux, il y a Dolovan, un petit garçon qui l'équipe de journalistes français accompagne. Dolovan, tu es bien sûr que c'était ça ta maison ? C'est chez moi, ici. Je reconnais l'endroit. Les avions sont arrivés. Ils ont fait 4 tours. Ils ont bombardé. Et je me suis enfui. Après, j'ai été blessé. Et 2 jours plus tard, il n'y avait plus personne. Un hélicoptère iranien est venu me secourir. Et quand je suis revenu d'Iran, je n'avais plus personne. Je suis allé au cimetière des martyrs et jusqu'à notre maison qui était détruite. Al-Abja n'est plus qu'une ruine. L'attaque chibine de mars 88 n'a pas seulement marqué les souvenirs des survivants, elle s'est accrochée à leur corps. Dans la ville, on repère que certains ont le cou, les jambes ou le visage brûlé, comme rongé par une gangrène qui noircit la peau. D'autres ont perdu la vue, l'usage des muscles ou de l'esprit. À Al-Abja, il y a les tombes, les survivants et les morts parmi les vivants, enfermés dans un mal qui les consume de l'intérieur. La terre aussi a gardé les traces de l'attaque. Les fosses communes ont infecté le sol ainsi que les nappes phréatiques. Dans les cours d'eau, dans d'anciens vergers, le mal apparaît verdâtre, gluant, indicible. Mais quels sont ces poisons qui rongent ces hommes et cette terre ? En 1991, lors d'un reportage pour Envoyé spécial, le professeur Hendrix présente différentes photos des victimes des bombardements chimiques de Saddam Hussein. Vous voulez me parler du chimique ? Eh bien, je vais vous montrer ce que Saddam Hussein a fait. Intoxiqué à l'hyperite, le produit de 14-18 connu par les Français, employé tout près de la ville d'Ypres. Ici, vous avez une petite fille que nous avons trouvée à Al-Abja, intoxiquée par le cyanure, gaz employé dans les chambres à gaz dans les camps de concentration. Saddam Hussein a ça. Il emploie ça en cocktail. Alors, la grande catastrophe, n'est-ce pas, pour traiter ces gens. Nous sommes les seuls qui sont partis à Al-Abja, sans assurance, sans rien du tout, pour prendre les échantillons sur le champ de bataille, compter les morts, surtout des femmes et des enfants. Nous avons envoyé ces rapports aux Nations Unies, à la Commission de désarmement à Genève, à différents gouvernements européens, mais personne n'a bougé. Et ce n'est que maintenant, depuis Koweït, quand tout a changé, qu'on commence à parler. Oui, mais malgré les récits et les preuves de l'utilisation d'armes chimiques par l'Irak, Saddam Hussein n'est pas inquiété. Grâce à l'intervention internationale et la zone d'exclusion, le Kurdistan d'Irak obtient une autonomie de fait. Au niveau international, 2 décisions importantes sont prises au sujet de la réglementation et du contrôle des armes chimiques. En avril 1991, le Conseil de sécurité vote la mise en place d'une commission spéciale des Nations Unies chargée du désarmement. Elle doit inspecter les différents sites d'Irak soupçonnés d'abriter des armes de destruction massive et chimiques. 2 ans plus tard, en janvier 1993, la Convention sur l'interdiction de la mise au point de la fabrication, du stockage et de l'usage des armes chimiques et sur leur destruction est signée à Paris. Entrée en vigueur 4 ans plus tard, elle met en place pour la première fois une interdiction complète, une destruction des arsenaux existants et un régime de vérification des engagements. Mais l'Irak, la Libye, la Serbie et la Syrie refusent de signer. Alors que la communauté internationale cherche à enterrer le monstre chimique, les Kurdes demandent toujours justice pour Al-Abja et le massacre des années 80. Chaque année, le 16 mars, des camps de réfugiés jusqu'aux montagnes d'Irak, on se souvient de ces 3 journées où une mort invisible est tombée du ciel. Alors, question, quand les assassins d'Al-Abja seront-ils jugés ? Madame, monsieur, bonjour. La totalité de ce journal sera bien évidemment consacrée à la guerre en Irak. Depuis hier soir, des raids aériens d'une rare puissance ont touché toute la nuit à l'aube la capitale avec toujours comme cible Saddam Hussein et ses infrastructures. 320 missiles seraient tombés sur la capitale irakienne. Les zones visées, les quartiers administratifs et surtout le palais de la République, principal palais présidentiel au bord du Tigre. Mes chers concitoyens, en ce moment, les forces américaines et la coalition sont dans les premières étapes d'opérations militaires pour désarmer l'Irak, pour libérer son peuple et pour défendre le monde devant un grand danger. Bonjour, prise d'antenne exceptionnelle ce matin de la rédaction de France 3, bien sûr, puisque les circonstances l'imposent. L'offensive américano-britannique a commencé cette nuit à 3h32, très exactement. Saddam Hussein a placé des troupes et du matériel militaire dans des zones civiles afin de se servir d'hommes, de femmes et d'enfants innocents comme des boucliers humains. Le choc et l'effroi, c'est le nom de l'offensive américaine. C'est aussi la réalité sur Bagdad depuis l'attaque d'hier soir. En Irak, la guerre revient comme les saisons. En 2003, deux ans après les attentats du 11 septembre et après une première intervention en Afghanistan, George Bush sollicite une intervention préventive de la communauté internationale contre l'Irak, coupable, selon son administration, de détenir des armes biologiques et de destruction massive et de pouvoir en produire rapidement. Un sinistre complot contre un sinistre régime. Le 8 février 2003, le secrétaire d'État américain Colin Powell affirme avoir des preuves de l'existence de ces armes. Le 20 mars 2003, l'opération anglo-américaine Iraqi Freedom commence. Le 10 avril, la statue de Saddam Hussein est déboulonnée et détruite devant les caméras. Dans cette guerre éclair, les Kurdes, alliés de l'opération, gagnent par les armes leur autonomie face à Bagdad. À Al-Abja, comme dans chaque village d'Irak où durant le règne d'Hussein la répression était si féroce, on célèbre la fin du régime. Au mois d'août, une autre nouvelle est célébrée dans les rues de la ville. Ali Hassan Al-Majid, ce nom ne vous dit sans doute pas grand-chose, mais vous connaissez sûrement son surnom, Ali le Chimique. C'était l'un des hommes les plus recherchés d'Irak depuis la victoire américaine. On avait annoncé la mort de ce cousin de Saddam Hussein, mais il était bel et bien vivant. Il vient d'être capturé, on ne sait pas encore dans quelles conditions, par les forces de la coalition. Il devait son surnom au gaz mortel qu'il avait déversé en 1988 sur un village kurde, tuant 5000 personnes. Et puis après la première guerre du Golfe, il s'était illustré, si l'on peut dire, en organisant la répression sanglante contre les chiites, notamment à Bassora. Annoncé mort au début de l'offensive anglo-américaine, Ali le Chimique, numéro 5, sur la liste des personnes recherchées de l'ancien régime, est sain et sauf. Arrêté, il pourra être ainsi jugé. Quelques mois plus tard, en décembre 2003, c'est Saddam Hussein qui est capturé. Alors qu'une autre guerre commence au cœur du pays, le pouvoir irakien organise le procès de l'ancien dictateur et des hauts dignitaires de l'ancien régime. En 2004, Ali le Chimique est inculpé pour le gazage des Kurdes à Al-Abja en 1988, pour l'invasion du Koweït en 1990, ainsi que pour la répression sanglante du soulèvement des chiites du sud du pays en 1991. En août 2006, s'ouvre le procès de l'opération Al-Anfal. Pendant plusieurs mois, à la barre, survivants et spécialistes racontent l'élaboration du plan de destruction des Kurdes de l'Irak par les hommes de Saddam Hussein. Au deuxième jour du procès, un homme, Ali Mustafa Hamma, raconte la destruction de son village à l'arme chimique. Il dit « Les explosions n'étaient pas très puissantes, mais une fumée verte a commencé à se répandre peu après, suivie d'une odeur de pommes pourries ou d'ail. Beaucoup de gens ont alors commencé à vomir. » Tandis que leurs yeux les piquaient fortement. Nombre d'entre eux sont morts. Le lendemain, des soldats irakiens sont arrivés. Ils ont brûlé le village, ils l'ont entièrement détruit. C'était le 16 avril 1987 à Beziland, un an avant Al-Abja. Audience après audience, de nouveaux noms de villes martyrs, de nouveaux lieux de détention et de torture s'inscrivent dans la mémoire des survivants. Parmi ces noms, il y a celui de la prison de Nugrat Salman, située à l'extrême sud désertique de l'Irak, où ont été conduites de nombreuses familles kurdes arrêtées dans les villages du nord, avant d'y être emprisonnées et souvent assassinées. Il y a eu aussi le village d'Adlar, près de Mossoul, où les habitants ont été enterrés vivants, selon un témoin qui a pu s'en échapper. Le 30 décembre 2006, alors que le procès de la campagne militaire d'Anfal, qui n'avait pour but que l'extermination des Kurdes, n'est pas terminé, l'ancien dictateur Saddam Hussein est pendu. Le procès se poursuit sans lui. Lors de la 34e audience, retransmise à la télévision, l'accusation diffuse pour la première fois des enregistrements sonores. Parmi ces bandes-sons, on entend Saddam Hussein expliquer, comme s'il s'en félicitait, « Les armes chimiques sont efficaces sur quiconque n'utilise pas immédiatement un masque. Les gens ne peuvent rien faire, ni manger, ni boire, ni dormir. » Au cours du procès, Ali Hassan al-Majid assume le décret du 3 juin 1987 signé de sa main où il demande aux forces irakiennes de tuer tout être humain ou animal présent sur les lieux. On estime aini que plus de 180 000 civils kurdes ont été assassinés par l'armée de Saddam Hussein pendant la campagne d'Anfal. Le 2 avril 2007, le ministère public requiert la peine de mort contre Ali al-Shimik. Quelques jours plus tard, le journaliste de France Inter, Lionel Thompson, était à la Bja, où l'on n'a pas oublié les actes d'Ali al-Shimik, bien sûr. Un survivant témoigne. Le 16 mars, toute ma famille se dirigeait vers un autre village pour passer l'après-midi. Mon père avait préféré de rester à la maison et ensuite il a subi le bombardement des forces irakiennes et il est mort tout de suite après avoir été bombardé par les avions de Saddam Hussein. De juin 2007 à janvier 2010, Ali al-Shimik est condamné à 3 reprises à la peine de mort pour la campagne d'Anfal, la répression contre les chiites et le massacre de l'Abja. Le 20 janvier 2010, il est pendu. Quelques semaines plus tard, un avocat américain, Gary Elmayron, arrive à l'Abja. Après avoir fait condamner les assassins, les victimes souhaitent désormais que la lumière soit faite sur la responsabilité des complices de ces crimes, notamment les entreprises et les marchands qui ont permis que de tels actes soient possibles. Pendant 3 ans, l'avocat et son équipe collectent des milliers de documents et suivent la route de l'argent. En juin 2013, une première plainte contre X est déposée par des Kurdes au tribunal de grande instance de Paris avec l'espoir que les entreprises françaises ayant vendu des armes chimiques au pouvoir bassiste soient poursuivies. Parmi les preuves récoltées, un rapport confidentiel rédigé en 1996, intitulé « Compte-rendu définitif et complet sur les armes chimiques en Irak », qui retrace l'histoire du programme chimique irakien, avec des centaines de pages de transactions commerciales, on y trouve à plusieurs reprises le nom de sociétés françaises. En France, l'enquête est toujours en cours. Aujourd'hui, à Al-Abja, les maisons ont été reconstruites. Dans la rue, les bazars et les restaurants ont rouvert leurs portes. Les fruits et les oiseaux sont revenus. On compte désormais plus de 35 000 personnes. Mais les corps meurtris à l'arme chimique, eux, n'oublient pas le massacre. En 2014, les journalistes Sophia Marchesin et Marine Courtade pour France 24 reviennent sur place. Elles rencontrent les blessés dans l'Abja, parmi eux, cette femme. Gino avait 3 mois au moment des attaques. Elle s'imaginait indemne jusqu'à la naissance de ses 2 enfants. Anna a 4 ans. Ara en a 5. Il ne marche pas, ne parle pas et mange avec difficulté. On est allé en Iran et le médecin m'a dit qu'il y avait 90% de chances que ce soit lié à l'attaque chimique. Quand j'attendais mon 2e enfant, je suis allée chez le médecin, ici, en Irak, et je lui ai posé la question. Est-ce que j'aurai le même problème qu'avec le premier ? Il m'a répondu non. Je me suis dit, ça ne va pas se reproduire, c'est impossible. Mais après, les médecins iraniens m'ont dit, vous ne devriez pas avoir d'enfant à Al-Abja. Si Al-Abja est désormais loin de la ligne de front, les Kurdes combattent toujours pour sauvegarder leur terre. En Irak, comme en Syrie, désormais l'ennemi s'appelle Daesh. Dans cette nouvelle guerre qui embrase le Moyen-Orient, l'ombre chimique plane toujours. L'actualité nous le rappelle. De nouveau, nous avons vu des images où des nuages de gaz colorés se faufilaient dans les rues et les caves. De nouveau, nous avons été témoins de ces corps suffoquant au sol ou dans les chambres d'hôpitaux. De nouveau, les survivants ont parlé, des journalistes et des scientifiques sont allés enquêter à l'Abja, mais cela ne change presque rien. Quand les bombes cesseront-elles en Syrie et en Irak ? Quand elles cesseront ? nous verrons ressurgir des ruines d'Outa, d'Alep et d'autres villes, les fantômes de ces attaques chimiques. I'm a petty thief. What to find I keep? I was supposed to set an example, but I am a vandal. Yeah, the paper's nice, but it's the rush I like. You don't care about the money when you're an adrenaline junkie. Words will chain me after they let me loose and realize, or maybe there are small crimes, but some things I just wouldn't do. White lies, but some tales I just can't keep true. And if I gave it up, would I still be a thug? Don't choose to play the bad guy. He's in your bloodline. And I left my heart in a scrap metal yard. You don't get to be a human when you're a hooligan. Words will chain me after they let me loose and realize that maybe they are small crimes, but some things I just wouldn't do. White lies, but some tales I just can't keep to. Small crimes, but some things I just wouldn't do. White lies, but some tales I just can't keep to. I'm a petty thief. What I find I keep. I was supposed to set an example, but I am a vandal. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le massacre des Kurdes à l'arme chimique par l'Irak de Saddam Hussein. Notre invité, c'est donc Frédéric Tissot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes un baroudeur de la médecine humanitaire, selon la formule de votre ami Bernard Kouchner. Vous avez été l'un des témoins et compagnons des Kurdes. C'est une histoire avec une dimension personnelle forte. En 2007, vous devenez le premier consul français à Erbil, dans le Kurdistan irakien. Et puis, ces vies multiples, pour reprendre votre expression, vous y revenez dans votre livre intitulé « L'homme debout ». Édité chez Stock. Alors, le curseur s'est déplacé concernant Saddam Hussein, puisqu'il s'est retrouvé dans une situation d'agressé lors de cette guerre déclenchée par les Américains, qui était d'ailleurs un complot. Mais enfin, faudrait pas oublier quand même ce qui fut Saddam Hussein. On a essayé de le rappeler dans ses récits, les agressions contre les pays voisins, le massacre des Kurdes, une violence intrinsèque jusqu'à tuer deux de ses gendres qu'il fait revenir et tue froidement. Enfin voilà, on a l'un des monstres du siècle, il faut le rappeler. Tout à fait. Je voudrais d'abord vraiment vous féliciter, car le long résumé que vous venez de faire de la situation des Kurdes dans cette région du monde est exceptionnel. Je ne l'avais jamais entendu et je suis très ému, enfin, d'entendre cela sur une radio française. Cela fait 35 ans, comme je le montre dans mon livre, que j'ai été happé par les Kurdes. Je suis tombé épris par mon métier de médecin, car vraiment ils avaient besoin de cette aide. J'ai vu les victimes de Saddam Hussein, à l'époque, Lord Al-Abja, une seule personne, je dis bien une seule personne, a cru parler d'un détail. C'était Monsieur Chevènement. Il était président des amitiés franco-irakiennes. Nous étions allés le voir, nous qui étions aide médicale internationale. Nous avions signalé ce petit détail de l'histoire. C'était difficile, de faire entendre par la communauté internationale et par nos propres autorités qu'il y avait eu un réel bombardement chimique. Je n'ai pas vécu cette monstruosité d'Al-Habja, mais j'ai participé à la demande de Daniel Mitterrand. J'étais médecin français, je parlais kurde, je connaissais par cœur le Kurdistan, de raccompagner, d'aller chercher à Mardin tous ces réfugiés qui avaient été bombardés chimiquement dans la région de Dohuk, à Mahdi. On parle beaucoup de Dohuk en ce moment où il y a beaucoup de chrétiens yazidis. Il y avait déjà à l'époque, que nous venons de rappeler, des bombardements chimiques dans cette région. En 82, vous avez été témoin. Oui, c'était après. Un autre épisode, il y a beaucoup de... Et donc, nous avons accueilli en France, à Bourlastic, en Auvergne, dans cette région que j'aime et que je connais si bien. Je revois encore Kajine, qui est arrivée à cette époque, Kavout, sa sœur Kani, qui malheureusement est décédée, et que je salue sa famille, qui est décédée il y a quelques jours. Tous ces jeunes qui, aujourd'hui, sont pas de vrais Français, ce sont des Français, et qui se sont intégrés, comme on disait. Avons-nous peur de ces réfugiés qui arrivent aujourd'hui? Je les ai vus, tous ces Kurdes, ces monstres que certains journalistes voulaient montrer à nos personnages d'extrême droite déjà de l'époque. Revenons, pardon, monsieur Fabrice, à notre thème. Oui, alors, vous dites, l'instant, on voulait pas... ouvrir les yeux, regarder en face ce qui se passait, parce qu'il faut rappeler quand même que des pays, notamment la France, fabriquent des armes comme ça. Bien sûr. Nous avons fabriqué, j'en étais témoin, je le raconte dans ce livre. Lorsque vous êtes médecin français, que vous découvrez, vous êtes en train d'essayer, de tenter, de sauver des jeunes qui sont arrivés dans un tombereau, une roulotte, une charrette derrière un tracteur, où il y a 30 corps. Et vous essayez de les sauver, vous rendez compte que cette jeune femme de 18 ans, devant mes yeux, est en train de brûler petit à petit, sa chair est en train de brûler du fait de petites perles, très jolies, mais qui brûlent. Bombe à phosphore, fabrication française. Ce n'est pas important qu'elle soit de fabrication française. Elle aurait été d'une autre fabrication, les effets auraient été les mêmes. N'empêche, j'étais français, je le suis toujours. Et je jure parfois, y compris contre mon ancien ministre de tutelle, contre ces ventes d'armes, qui sont une horreur absolue. Mais venez voir, allons voir ce que font ces bombardements chimiques. Et c'est pour ça d'ailleurs, ça n'est en rien de la complaisance que de les raconter. Hein. C'est pour dire voilà ce tout, que ça donne. Tout qu'est-ce à fait. Que vous avez vu tout à Qu'est-ce fait. Que vous avez vu précisément vous en 82? C'était un peu plus tard, mais c'est pas grave. Oui. C'était exactement là. Oui, non, pardon, c'était en 82. Oui, excusez-moi. Oui, non, c'est moi. Je voulais pas vous contredire. Il y a énormément. Non, mais oui, bien sûr, il faut le faire raconter aussi à nos amis kurdes, oui, qui sont en France maintenant depuis très longtemps. Ces personnes qui brûlent petit à petit. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle a le ventre totalement ouvert en deux. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon métier de médecin, je lui ai injecté ce qu'il fallait pour qu'elle meure devant moi. Oui, je l'ai fait. Décision éthique absolue. Merci à Marine de Tilly qui a pu faire en sorte dans ce livre de montrer, de mettre en mots ces émotions que j'ai encore en le disant. C'est une histoire qui a forcément une dimension personnelle forte pour mais vous. Mais bien entendu. Vous n'êtes en aucun cas, il n'y a aucune distance, c'est normal. Mais nous sommes devant, là, comme ouais. ça, devant la mort, la vie, que faisons-nous? Nous devons le faire. Et je sauve cette jeune fille qui aurait pu être ma fille ou ma femme. Je la sauve, car je l'aime, donc je la tue. Comment s'est déroulée la vie de ces 335, c'est ça, hein, 335 oui, familles? Oui, tout hein, à fait. À Bourlastic. À Bourlastic, oui, formidable. Voilà, là, c'est un peu plus souriant. Et oui. Dans cette histoire inhumaine, il y a cette part d'humain, c'est bien. Bien sûr. Donc, comment ça s'est passé? Daniel Mitterrand va, visite un camp, je ne sais pas comment ça a pu se passer, alors que les relations avec la Turquie étaient déjà pas excellentes. Enfin, décide de ramener François Mitterrand, bien sûr. Il accepte, et je suis appelé car je suis considéré comme le seul médecin, et je crois que c'était vrai, le seul médecin qui parlait kurde, qui connaissait les Kurdes par cœur, je suis appelé à Bourlastic et je me retrouve devant avec 335 Kurdes qui veulent tous rester ensemble, bien entendu. Ils viennent de passer de Mardin dans des camps de fil de fer barbelé en avion à Bourlastic, dans une caserne, enfin très verte, des collines, etc. Ils veulent rester ensemble, ils ne veulent pas... Donc j'ai été chargé de leur parler, de voir comment ne pas ajouter de la souffrance à la souffrance. Et ça a pas mal réussi. Et nous avons continué après. Pendant un an, je suis allé chercher, je raconte tout cela en détail. Quand je me souviens du choix de Sophie, c'était quoi le choix de Sophie? Moi, j'étais chargé d'aller choisir parmi 15 000 personnes des familles. Et j'y disais, tiens, celle-là, toi, celle-là. Quelle horreur. Il fallait le faire. Et on l'a fait. Alors, une équipe de journalistes de France 3 s'est rendue sur place pour la commémoration du massacre d'Al-Afja, donc chaque année, hein, au mois de mars. On va écouter un extrait de ce reportage. Il y a certaines choses que nous n'oublierons jamais, notamment l'utilisation des gaz contre le peuple kurde tout entier. Nous voudrions que cette chose soit répétée partout, parce que c'est une honte pour l'humanité. Mon premier souci est d'élever les enfants, parce que j'ai beaucoup d'enfants, j'en ai 6. Et ces enfants, je n'aimerais pas qu'ils soient dans la misère comme je l'ai été. Enfin, la misère, non pas économique, c'est la misère culturelle, la misère de l'espoir. J'aimerais bien trouver un travail. Chez moi, j'étais instituteur. Et ici, je suis prêt à faire n'importe quoi, pourvu que mes enfants soient bien élevés dans la paix et dans la liberté. Vous avez reconnu une voix ? Tout à fait. C'est mon ami Chaouki qui traduisait. Merci à lui encore, parce que sans tous ces traducteurs, bien entendu, même si je parlais kurde, j'aurais pas pu faire tout ce travail. En 2010, j'étais consul général de France, oui, à Erbil, le premier de l'histoire. Alors, racontez-moi cette expérience, ce que vous faisiez, c'était quoi votre fonction et comment vous l'avez vécu? Attendez, monsieur Fabrice, moi petit pied noir, moi petit médecin de province qui avait connu les Kurdes, je me retrouve 30 ans après consul général de France. Quel honneur, quel plaisir, quelle histoire. Le sens de ma vie, je ne sais pas. En tout cas, ça s'est passé comme ça. En août 2010, je suis à Al-Afja. Ali le chimique va être... Pendu. Et son corps immédiatement est pris en photo. Je suis à Al-Afja, au milieu de la place, tout le monde est dehors. Et immédiatement sortent des petits iPhone, ou pas iPhone, mais enfin téléphone. Ils ont tous la même photo, tout d'un coup, qui a été transmise depuis... La photo d'Ali Chimique ? D'Ali Chimique ! Et ça, mort, est mort, mort. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Comment ça se passe ? Ils hurlent de joie, et en même temps de pleurs. Vous vous rendez compte ? Ce qu'a dit, mais il faut lire, et je le dis dans mon livre, il faut lire ce qu'a écrit, ce qu'a dit Ali le Chimique. On l'a évoqué un peu, c'est terrible. Mais comprendre, il faut savoir qu'aujourd'hui, encore, pas loin de nous, il y a des gens qui sont capables, et qui le font. Qui ordonne les gaz, les bombardements, les barils sur Alep? Qui le fait aujourd'hui? C'est Bachar al-Assad. Je ne sais pas. Je ne suis pas journaliste. Non, mais vous voyez, c'est... Effectivement, les décisions, je le comprends, j'étais diplomate, les décisions, et j'ai pas mal participé à la politique de notre pays, parce que j'avais été médecin chez les Kurdes. Il est difficile de prendre des décisions. En tout cas, Bachar, il est clair... C'est un Saddam Hussein de la même catégorie, de la même trempe, et on voit exactement ce qu'il fait. Et il ira au bout, aidé par l'un ou l'autre de la région, à massacrer sa population. On l'a vu avec Saddam, c'est exactement ce qui est en train de se passer devant nos yeux. Donc en 2007, hein, c'est en 2007 que vous devenez consul de France. Et alors, quels sont les liens qui unissent la France et les Kurdes finalement? Alors les liens sont bien entendu historiques. Il y a déjà plusieurs historiens et, français qui étaient allés au Kurdistan, mais plus récemment. C'est le mouvement des French Doctors, hein, les médecins sans frontières. Bernard Kouchner y est allé en septembre 1974, rencontrer Mollah Mustafa Barzani à Adjomran. dans son repère, tout près à l'angle turc-irano-irakien. Et tout cela, ensuite, je vais très vite, mais Daniel Mitterrand, qui est considéré, qui est encore appelé maire des Kurdes, François Mitterrand, qui est vénéré, la place François Mitterrand à Erbil, rare quand même, n'empêche, elle y est. Et ça fait un peu chaud au cœur quand même, très chaud au cœur, à côté du drapeau français. Les French Doctors dont j'ai fait partie, tous nos amis qui sont allés, de Médecins Sans Frontières, de Médecins du Monde, de AMI et les autres, sont allés et ont fortement marqué, comme en Afghanistan ailleurs, avant d'abord, d'ailleurs, pardon. Ma fonction de consul général de France était un vrai plaisir, c'était du miel. Pourquoi ? Parce que j'étais français, les Kurdes savaient d'où je venais, je parlais kurde, j'avais assisté au premier parachutage de vivres et de couverture sur ces 480 000 pour en faveur de ces 480 000 réfugiés kurdes qui étaient bloqués à la frontière turque. J'y étais, tous les Turcs avec leurs fusils qui empêchaient quiconque de passer. J'étais aussi à la frontière. Les Kurdes le savent, savent mon passé, nous remercient, nous Français. Et bien entendu, ce fut extrêmement facile, entre guillemets, d'être le représentant de la France auprès de mes amis, de nos amis kurdes. L'histoire des Kurdes est forcément chaotique, puisque ce peuple est déjà sur quatre territoires, tout forcément. Il y a eu des... Alors ceux d'aujourd'hui n'y peuvent strictement rien, bien sûr, mais il y a eu des passages historiques... compliqué quand même pour les Kurdes, je pense au génocide arménien où des bataillons kurdes hein, ont tout participé à cela. Bon, et ceux d'aujourd'hui n'y peuvent rien évidemment. Quelle place tient dans leur histoire, dans leur mémoire historique et collective, pour les Kurdes, cet épisode d'Alabja ? Écoutez, là c'était le pire qui pouvait leur arriver. Hein, et c'est vraiment à ce moment-là qu'ils ont vu qu'ils étaient vraiment à la merci... Voilà, de leur pouvoir central, comme on disait. Chacun dans chaque pays hein, essayait de contrer l'oppression du pouvoir central. Pardon, un petit détail. Quand on parle en Turquie, et là on va plonger, on parle en Turquie des terroristes. Qui assume la plus grande des terreurs ? Alors, dans cette région où... plusieurs assument la plus grande des terreurs. Tout à fait. Hein bah, y a Daesh, évidemment, une nouvelle guerre. Bien sûr. Une nouvelle guerre sévit en Irak et en Syrie, celle contre Daesh. Les combattants kurdes sont en première ligne. Tout hein, à fait. Sur le front, notamment après la chute de Mossoul. Quelques mois plus tard, à Kobané, les Kurdes résistent aux hommes de Daesh. Et on va écouter un dernier reportage. Oui. Ensemble, de Marwaman, de France Inter. Il est dans Kobané libéré, précisément. Sur la colline de Machtanour, au nord de Kobané, les combattants kurdes ont pris position. Mustafa chante sa ville, qui a tenu bon face aux djihadistes. Le drapeau noir du groupe État islamique a flotté pendant plusieurs semaines sur ce sommet arrondi. Perwar, militant kurde, chargé de guider les journalistes dans cette ville de Kobané. Cette colline est stratégique car elle surplombe toute la ville. Avant la libération de Kobané, c'est d'ici que les djihadistes nous bombardaient. Depuis, les Kurdes ont déployé de longues banderoles aux couleurs du Kurdistan. En reprenant Machtanour, ils ont porté un coup très dur aux djihadistes qui en avaient fait leur base arrière. Mazloum, un combattant de 25 ans, montre du doigt l'horizon devant nous. Les villages que vous apercevez sont sous notre contrôle. Les premières positions des djihadistes se trouvent à 9 km. C'est là que nos hommes combattent actuellement. Nous allons continuer pour libérer toutes nos terres. Et dans le viseur des Kurdes, il y a Tal Abyad, à 70 km plus à l'ouest. Cette petite ville est tenue par le groupe État islamique. Les Kurdes veulent en chasser les djihadistes et se tiennent à la disposition de la communauté internationale pour pousser plus au sud, en direction de Raqqa. Kobané, Omar Waman, France Inter. Voilà, vous voyez comme que la presse s'occupe, regarde les Kurdes. Bien travaillé, hein. Tout à fait. Bon. Il faut dire qu'ils étaient au centre du viseur. Il aurait été difficile cette fois-ci de les louper. À Alabja, on les a loupés. Hein. Oui. Il y a eu très peu de photographes. C'est tout. Et cette fois-ci, au moins, nos journalistes, je les salue. Il y a énormément de journalistes qui sont du côté, cette fois-ci, en Irak, du côté de Mossoul. Il y en a plusieurs même qui ont eu des accidents. Et c'est vraiment difficile d'être reporter de guerre, actuellement. Dont plus de la moitié sont des femmes, d'ailleurs. Je voudrais préciser par rapport aux Kurdes. Et hier soir, pardon de faire de la publicité gratuite, mais sur Arte, il y a eu un reportage extraordinaire qui explique exactement la chute de l'Empire ottoman et tout ce qui est advenu de cet Empire ottoman, et notamment des Kurdes. Je le conseille. C'est très bien. La ligne éditoriale d'Arte n'est pas éloignée de la nôtre. Donc, bien, tant mieux. Voilà. Toute dernière question, Frédéric Tissot. Si en Irak, l'autonomie des Kurdes est réelle maintenant, en Syrie, bon, elle est espérée. En Turquie, elle se heurte à Ankara et Erdogan. Quel avenir pour les Kurdes, selon vous? Les Kurdes. Presque 20 secondes, hein, je suis désolé. Les Kurdes sont en train de fabriquer leur avenir. Je le dis à la fin de mon livre, c'est eux et eux seuls qui construisent en ce moment leur avenir, qui n'attendent rien de l'autre, même si l'autre est l'ami. Merci, merci Frédéric Tissot. Je rappelle le titre de votre livre, L'Homme debout, et c'est trois mots juste au-dessous, humanitaire, diplomate, anticonformiste. Je salue les trois dans votre merci personne. Beaucoup. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le massacre des Kurdes à l'arme chimique, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'histoire des faux espions de chez Renault.